Scène 5. Une caverne en Lituanie. Il neige. Père Ubu, Pile, Kotis. Le chien de temps. Et j'ai la pierre fendre. Et la personne du maître des finances s'en trouve fort endommagée. Oh, monsieur Ubu, êtes-vous remis de votre terreur et de votre fuite? Oui. Je n'ai plus peur, mais j'ai encore la fuite. Quel pourceau! Eh, Sir Kotis, votre oneille, comment va-t-elle? Aussi bien, monsieur, qu'elle peut aller tout en allant très mal. Par conséquent de quoi, le plomb la penche vers la terre et je n'ai pu extraire la balle. Tiens, bah, c'est bien fait. Hein, toi aussi, tu voulais toujours taper les autres. Moi, j'ai déployé la plus grande valeur. Et sans m'exposer, j'ai massacré 4 ennemis de ma propre main, sans compter tous ceux qui étaient déjà morts et que nous avons achevés. Savez-vous, Pile, ce qu'est devenu le petit Renski? Il a reçu une balle dans la tête. Ainsi que le coquelicot et le pissenlit à la fleur de leur âge sont fauchés par l'impitoyable faux de l'impitoyable faucheur. Qui fauche impitoyablement leur pitoyable binette. Ainsi le petit Renski a fait le coquelicot. Il s'est fort bien battu cependant, mais aussi il y avait trop de Russes. Oh, monsieur! Oh, oh! Qu'est-ce? Armons-nous de nos lumelles. Ah non, ah, par exemple, encore des Russes, je parie, mais j'en ai assez. Puis c'est bien simple, s'ils m'attrapent, j'y l'enfouis à ma poche.